بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue les dorus de fiqh, l'explication de Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama rahimahullah. On était arrivé à Bab al-Tayammum, le chapitre du Tayammum. Le Tayammum, c'est comme le traduisent certains, les ablutions sèches, c'est-à-dire le fait d'utiliser de la terre en l'absence d'eau. On va voir les détails de cela. L'imam Ibn Qudama rahimahullah, il commence le chapitre directement en citant la manière de faire le Tayammum. On va introduire, on va faire une petite introduction sur la légitimité du tayammum à travers le Coran, la Sunna et quelques règles liées à cela. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Donc le verset de 43 de sourate An-Nisa, Allah dit ce qui signifie: ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, et on a vu que toucher ici, c'était al-jima', c'était l'acte sexuel, et que le fait de simplement toucher la femme ou de l'embrasser n'annule pas le wudu, comme on l'a vu dans l'acte de wudu, et la preuve c'est le hadith de Bukhari. C'est le hadith de Bukhari, de Aisha dans Sahih al-Bukhari, et c'est l'avis de l'imam Ibn Jarir, rahimahullah, et d'Ibn Taymiyyah et d'autres. Ou que vous touchiez donc, ou si vous avez touché à des femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, هذا المقصود, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. C'est ça le tayammum. Ici on a, pourquoi le tayammum, que vous ne trouviez pas d'eau, on va voir que c'est pas la seule cause, recourir à une terre pure, il faut que ça soit de la terre, il faut que ça soit pur, on va le voir, Inch'Allah, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Donc ici, le Coran, il est complet sur quoi? Sur les règles du tayammum, et elles sont détaillées par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. As-Sa'di, rahimahullah, dit dans son tafsir, dans le tafsir de ce verset, أباح فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه. Première chose, Allah il a autorisé le tayammum de manière générale pour le malade, qu'il ait de l'eau, qu'il n'en ait pas. On va voir le détail, inshallah. والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء. Et ici la cause de la législation du tayammum, c'est quoi? Hein? C'est la maladie avec laquelle devient difficile d'utiliser de l'eau. شق فيه مشقة. Il y a de là difficulté. Hein? وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء. De même le voyage, car c'est un endroit où en général on peut manquer d'eau. C'est pour ça qu'Allah il a cité le voyage. Ça ne veut pas dire que le tayammum n'est pas permis en état de hadar, en état de résidence. فإذا فقده المسافر وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحو جاز له التيمم. Si le voyageur manque d'eau, ou qu'il trouve qu'il a besoin de cette eau, qu'il se trouve qu'il a besoin de cette eau pour un besoin, comme boire par exemple, il est permis pour lui de faire le tayammum. Ça c'est dans le verset, rien que dans le verset. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم الآية. De même, si la personne perd son wudu par l'urine ou les excréments ou le fait d'avoir eu des rapports avec les femmes, il lui est permis de faire le tayammum s'il ne trouve pas d'eau, qu'il soit en état de résidence ou en état de voyage, comme c'est venu dans la généralité du verset. والحاصل ان الله تعالى باح التيمم في حالتين حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. Et le nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le tayammum dans deux cas. Le cas de l'absence d'eau, et ça c'est en état de résidence ou en état de voyage. Le deuxième, c'est en cas de difficulté à l'utiliser, comme par exemple lorsqu'on est malade. Il dit plus loin, واستدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت وقالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب واستدل بذلك أيضا على واستدل أيضا بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز له بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous ne trouviez pas d'eau. Il dit, le Cheikh Sa'di, ça implique qu'il est une obligation de chercher. Lorsque la personne n'a pas d'eau, avant de faire le tayammum, il doit chercher. Car on ne dit pas qu'une personne n'a pas d'eau tant qu'il n'a pas cherché. Ouais. Après, il cite une chose qu'on a citée dans le livre des eaux, Kitab al-Miyah, sur al-Ma al-Musta'mal, donc qui a déjà été utilisé, ou qui a été changé par al-Tahirat, par les choses pures. Donc, on fait le wudu avec. Hein, et qu'on n'a pas le droit de faire le tayammum. Parce qu'Allah, il a dit, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَهَذَا مَاءً. Car on ne trouvait pas d'eau. Et cette eau-là, qu'on vient de citer, c'est une eau. Donc, il faut l'utiliser dans le wudu. On en a parlé de ça. نعم. قال وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن الله على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم قد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا. Ensuite il dit, et il y a dans ce noble verset la légitimité de ce jugement grandiose, c'est-à-dire le tayammum, hein. Et Allah l'a autorisé. Et c'est un bienfait qu'Allah a donné à cette communauté, le tayammum. Et les ulémas sont unanimes sur la législation du tayammum. Il y a ijma' sur la question. On va le voir, inshallah. Ça, c'est dans son tafsir, Taysir Karim al-Rahman, safhat 69, à la page 169, de l'édition Dar al-Hadith. Pas comme je l'ai dit dans un dar précédent, l'édition Dar ibn Hazm. Naam. Wa tayammum من خصائص هذه الأمة. Et le tayammum est une particularité de cette communauté par rapport aux communautés précédentes. Comme il est venu dans le hadith, عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، وقال فيه: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث. وهو كما قلنا في البخاري ومسلم. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été donné cinq choses qu'il n'a pas été donné à un prophète avant moi. Et dans ces cinq choses, il a cité, et la terre m'a été rendue un lieu de prière, masjid wa tahura, et une purification. Voilà. Essayer de se purifier avec l'eau. Donc c'est une particularité, pour cette communauté. Voilà. Et ensuite, donc on a déjà la preuve du Coran que le tayammum est légiféré. On a la preuve de l'ijma' qui a été cité par As-Sa'di par de nombreux ulémas en dehors de lui. Et on a la preuve de la sunna lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte le hadith, « An Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza, an abihi anna rajulan ata Umara faqala inni ajnabtu falam ajid ma'an faqala la tusalli faqala Ammar, ama tadhkuru ya amir al-mu'minin » إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. Et un jour, un homme est venu à Omar, lorsqu'il était calife, émir al-mu'minin, radiyallahu anhu arda, et il lui dit, j'étais en état de janaba, d'impureté majeure, et je n'ai pas d'eau. Je suis en état d'impureté majeure et je n'ai pas d'eau. Omar lui a dit, ne prie pas, jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. Ammar, il lui a dit, oh émir al-mu'minin, au chef des croyants, il a dit, ne te rappelles-tu pas lorsque toi et moi, nous étions dans une saria, dans une expédition, c'est-à-dire à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis tombé en état de janaba, et nous n'avions pas d'eau. Quant à toi, tu n'as pas prié. Quant à moi, je me suis roulé dans la poussière. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un TS. Il s'est roulé dans la poussière, comme quand tu fais le rousse, sauf qu'il a fait avec de la poussière. Et j'ai fait la prière. Je suis allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit, mais il te suffisait de frapper avec la terre, avec tes deux mains, la terre, ensuite de souffler, ensuite de passer sur ta main et sur ton visage, pardon, et sur le dos de tes mains. C'est ça la manière de faire le thème. D'accord? On tape la terre avec ses mains, on passe, on souffle si jamais il y a beaucoup de terre. C'est venu dans la sunna comme ça. Ensuite, on passe sur le visage, ensuite on passe sur le dos des mains, et ça s'arrête là. On va voir qu'il n'y a pas d'autre chose. Le fait d'aller jusqu'au coude, le fait de faire comme le rudo, tout ça, ça n'est pas rapporté. Ibn Qudama, rahimallah, il nous explique cela. Il nous dit, وصفته, et la manière de le faire, le tayammum. أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. De frapper avec ses deux mains la terre pure une seule fois. فامسح بهما وجهه. Il passe ensuite ses deux mains sur son visage. وكفيه. Et sur ses mains. D'accord? لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وهو كما قلنا أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. Et c'est basé sur ce hadith, le hadith d'Ammar. طيب. Donc là vous avez la manière de faire le tayammum. Il dit ensuite Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans Al-Umda, وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. Et si la personne fait le tayammum avec plus d'une fois, c'est-à-dire plus d'une, taper plus d'une fois sur la terre, ou qu'il passe plus d'une fois sur les mains et le visage, cela est permis. Et l'avis le plus juste, c'est que cela n'est pas permis, wallahu a'lam, parce que c'est pas la manière de faire. Ce qui est venu dans les hadiths authentiques, c'est ce qui vient d'être cité. Et c'est pour cela qu'Ibn Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, dans Zad al-Ma'ad, قال, كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 72 و100 من طبعة الأرناؤوط. يجيب ابن القيم رحمه الله إلى prophète صلى الله عليه وسلم faisait le tayammum en frappant une seule fois. Ensuite il passait sur son visage et sur ses deux mains. Et il n'est pas rapporté de manière authentique que le prophète صلى الله عليه وسلم ait fait cela en frappant deux fois, ni qu'il soit monté jusqu'au coude. D'accord? Et l'imam Ahmed a dit, c'est rapporté par Ibn Qayyim, celui qui dit que le tayammum est jusqu'au coude, c'est une chose qu'il a rajoutée de lui-même. Ça, c'est dans Zad al-Ma'ad, le volume 1, à page 192. Donc le tayammum, c'est, comme nous l'avons cité, et pas autrement. وَلَهُ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ. Et le tayammum a quatre conditions. C'est Ibn Qudama qui dit ça. Le tayammum a quatre conditions. La première. Mettez un, inshallah. La première. أحدها العجز عن استعمال الماء. L'incapacité à utiliser de l'eau. Et sous cette première chose, il y a plein de cas. Je vais vous préciser. On va citer plein de cas. On va les détailler, inshallah. On va citer l'imam Ibn Qudama, on va citer, rahimahullah ta'ala, wal-fuqaha, rahimahumullah. Il dit, imma li'adami. La première chose, dans ce que c'est, on va dire, si vous voulez, mettez, ou comme vous voulez. Imma li'adami, à cause de son absence d'eau. Il n'y a pas d'eau. Là, on est dans le cas où il n'y a pas d'eau. La preuve, elle est dans le verset cité précédemment. Falam tajidu ma'an. Et que vous ne trouviez pas d'eau dans Surat An-Nisa. Ça, c'est la première. Ensuite, au khawf ad-darar bi isti'malihi li marad, ou le fait d'avoir peur de l'utiliser, cette eau, à cause d'une maladie, par exemple. À cause d'une maladie. Est-ce qu'elle est citée dans le verset, cette chose-là? Non, c'est pas cité. De manière littérale, ça n'est pas cité. Sur cette question-là, il y a Ijma', comme le rapporte Ibn Hazm, dans Maratib al-Ijma', قال واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن تيمم له بدل الوضوء والغسل. Donc c'est dans Maratib al-Ijma' à la page 37. Il dit, Ibn Hazm, rahimahullah, ils sont unanimes, c'est-à-dire les ulama, c'est un ijma', c'est un dalil. On le recite encore, l'ijma', c'est un dalil en tant que tel. Ils sont unanimes pour dire que le malade, à qui cela fait du mal d'utiliser de l'eau, hein, fait le tayammum à la place de l'eau et du ghusl. Donc le malade, par exemple celui qui a une maladie de peau, ou qui a une plaie, on va voir celui qui a une plaie, ce qu'il fait. قال ابن قدامة في صفة في الكافي قال يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البر أو شيئا فاحشا في جسمه وهذا في الكافي في الإمام أحمد يدي ابن قدامة c'est quoi le je le cite parce que c'est pas dans le commentaire de Umdat al-Fiqh al-Udda c'est quoi la maladie qui permet de faire le tayammum et il cite plusieurs cas la personne qui a peur carrément que là c'est le pire que le membre, par exemple, un membre ne puisse plus être utilisé. En cas où on met de l'eau dessus. En cas de brûlure grave, en cas, ça peut être très grave de mettre de l'eau dessus. D'accord. De plaies graves, d'infection, ou que la maladie augmente. Par exemple, il n'a pas forcément une grosse plaie, mais s'il utilise de l'eau sur cette chose-là, ça va être pire. Dans ce cas-là, il ne passe pas l'eau dessus dans le goudou. Ou, même, que, la guérison soit retardée, ou que la guérison soit retardée. Pareil, il fait le tayammum. Ça, c'est dans le kafi. Ça ressemble un peu à la maladie qui permet de s'abstenir de jeûner pendant le mois de Ramadan. Hein? C'est les mêmes, à peu près les mêmes conditions. Là, vous avez cité par Ibn Qudama dans ce livre. Pareil. Au bardin shadid. Ou à cause d'un froid, d'un très grand froid. S'il y a un très grand froid, il est permis de faire le tayammum. On va voir à condition. Hein? Il dit, et dans l'Udda Sharh al-Umda, le Cheikh Bahaddin al-Naqdisi, rahimahullah, il dit, wa li hadithi Amr, ahtalamtu fi layatin barida. فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة رواه أبو داود بإسناد صحيح. La preuve de cela, c'est que Amr ibn al-As رضي الله عنه est en expédition, il est tombé en état de janaba pendant son voyage dans une nuit froide. Il dit, j'ai eu peur si je faisais le ghusl de mourir. Alors j'ai fait le tayammum et j'ai prié. Il a prié imam en plus. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de refaire sa salat. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et inshallah sahih. Il a été authentifié par certains contemporains. Mais Ibn Qudam, rahimahullah, il dit, pareil dans le kafi, قال, وَإِنْ قَدِرَ عَلَىٰ إِسْخَانِ الْمَاءِ لَزِمَهُ كَمَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ الْمَاءِ وَمَنْ كَانَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فَخَافَ فُوتِ الْوَقْتِ لِتَشَاغُلِهِ بِتَحْصِيلِهِ أَوْ إِسْتِسْقَائِهِ لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّيَمُّمُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وَهَذَا وَاجِدٌ فِي الْكَافِي صَفْحَةَ 43. Ibn Qudam, rahimahullah, il dit dans le kafi, si la personne a la capacité de chauffer l'eau, il est une obligation de chauffer l'eau. Il dit pas, vous voyez ce que je veux dire? De chauffer l'eau, il chauffe l'eau. Comme il est une obligation de l'acheter, en cas où il n'a pas d'eau, mais qu'il puisse en acheter. On va voir qu'il y a des conditions à ça. D'accord? On va le voir dans l'Udda. Ensuite, il dit, quant à celui qui a de l'eau, mais il a peur que, en prenant cette eau, l'heure de la salade sorte. D'accord? Vous voyez? La personne, il a de l'eau. Il peut aller la chercher. Mais en allant la chercher, ou par exemple, en la tirant du puits, hein, ou en allant l'acheter, l'heure de la salat va sortir. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Qudama? Qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller la chercher. Il doit aller chercher cet eau. Il fait le wudu et après il fait la salat. Parce qu'Allah, il a dit, subhana, pour autoriser le tayammum, falam tajidu ma'an. Et vous ne trouvez pas d'eau. Celui-là, il la trouve. C'est juste qu'il faut qu'il aille la chercher. Ça, c'est dans le kafir, la page 47. Vous avez compris, là, la question, là, la mas'ala? Wadiha? Non. Il dit ensuite, أو لخوف العطش على نفسه أو لخوفه على رفيقه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته. L'autre cas, c'est quoi? La personne qui a peur de la soif. Il a peur d'avoir soif. Lui, son compagnon de voyage, ou sa bête même. Ou sa bête. Et sur cette question-là, ça a été rapporté comme une ijma', comme il l'a rapporté Ibn al-Munzir. Abu Bakr ibn al-Munzir, on le cite souvent, qui a un livre sur l'ijma'. Il dit, rahimahullah, Ibn al-Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahl al-ilmi ala anna al-musafira idha kana ma'ahu ma'un wa khashiya al-atash annahu yubqi ma'ahu lish-shurbi wa yatayammamu. منهم علي وابن عباس كما نقله ابن قدامة في المغني المجلد الأول. Il dit, rahimahullah, Ibn al-Munzir, les ulama, tout ce que nous connaissons de gens de science, sont unanimes pour dire que le voyageur, même s'il a de l'eau, mais qu'il a peur d'avoir soif pendant son voyage, qu'il garde son eau avec lui pour la boire et qu'il fait le tayammum. D'accord? Et cela a été rapporté de Ali et d'Ibn Abbas et de d'autres salaf. Et ça, c'est rapporté dans le Mourni d'Ibn Qudama. Ensuite, il dit Ibn Qudama, أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. Donc, il a peur pour lui-même, ou qu'il a même peur pour ses biens s'il allait chercher de l'eau. D'accord? Il dit, rahimahullah, ça c'est dans Amdat al-Fiqh, on cite sa parole dans le Mughni, il dit, rahimahullah, وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبْعٌ أَوْ عَدُوٌ أَوْ حَرِيقٌ أَوْ لِسٌ فَهُوَ كَالْعَادِمِ. Il dit, si la personne, il y a entre lui et l'eau, des bêtes sauvages, ou un ennemi, ou un incendie, ou un bandit, ou des bandits, il est comme la personne qui n'a pas d'eau. D'accord? C'est comme s'il n'avait pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger à aller chercher cette eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tayammum. Et il donne un autre exemple. وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بِمَجْمَعِ الْفُسَّاقِ تَخَافُ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُمْ فَهِيَ عَادِمَتُ. Il dit, et si jamais l'eau est dans un endroit où il y a des pêcheurs, des pervers, et que la femme a peur, c'est comme si elle n'avait pas d'eau. C'est-à-dire, elle reste chez elle et elle fait le tayammum. Et il dit, Ibn Qudama, rahimallah, wa sahih, annaha tatayammam, wa la i'adata alayha. Et la vie le plus juste, je résume, c'est que cette femme-là, si elle est dans ce cas-là, elle fait le tayammum, et elle n'a pas besoin de refaire sa salat après cela. Ensuite, il dit, c'est bon, vous avez tous les cas? Aw i'wazihi illa bi thamanin kathir. Ou que la personne ne peut pas acheter l'eau, c'est un autre cas, sauf avec un prix très élevé. Il dit dans le commentaire de Umdat al-Fiqh, al-Umda, Sharh al-Umda, il dit, Yazidu ala thaman al-mithl, ou liman ya'juzu an ada'ihi kadhalik. Un prix très important. Naam. Donc ça, c'est les cas. Ça, c'est le cas où la personne, il n'a pas d'eau. Qu'il n'a pas d'eau littéralement, ou qu'il est comme celui qui n'a pas d'eau. Vous les avez? Alhamdulillah. On passe à la question suivante. Il dit, Ibn Qudama, rahimahullah. فَإِنْ يَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ أَوْ جَاءَ أَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ لِلطَّهَارَتِهِ اسْتَعْمَلَهُ وَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي. Il dit dans le Sharh, dans l'explication, on lit l'explication, on traduit et on explique. Il dit البهاء فَنَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ فِي بَعْضِهِ كَالْمَجْرُوحِ اسْتَعْمَلَهُ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي لَأَنَّهُ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَشْبَهَ الْمَرِيضَ. وإن وجد ماء لا يكفي لزمه استعماله وتيمم للباقي لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. يا دوكا c'est une personne qui trouve de l'eau mais il n'y en a pas assez pour qu'il fasse qu'il n'y en a pas assez pardon si une personne a de l'eau mais qu'il ne peut pas l'utiliser sur son corps entier, par exemple il y a une blessure. Par exemple, il a une blessure. Cette blessure, c'est une condition, c'est qu'elle ne soit pas couverte par un pansement. Il a une blessure qui, entre guillemets, a l'air libre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le wudu normalement. Il ne passe pas sur la blessure. Il ne passe pas sur la blessure. Cette blessure, si elle est sur une partie qu'il est normalement obligatoire de laver dans le wudu ou dans le roussel. Le roussel, c'est encore plus général, ça veut dire sur tout le corps. D'accord? Dans le wudu, sur le bras, sur le visage, que sais-je, sur la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le wudu ou le ghusl normalement. Et il ne passe pas sur cette partie qui est blessée. Et ensuite, à la fin de tout cela, il fait le tayammum. Le tayammum, il est pourquoi? Il est pour cette partie qu'il n'a pas lavée. De même, il dit Ibn Qudam, rahimahullah, celui qui trouve de l'eau, mais qui n'a pas assez, qui n'y en a pas assez pour finir la purification. Par exemple, il trouve de l'eau, mais il fait le wudu jusqu'au moment où il arrive au pied et il n'a plus d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence le wudu jusqu'à ce qu'il puisse, tout ce qu'il peut il le fait, et ensuite il fait quoi? Le tayammum pour les membres qui restent. C'est une question très importante au niveau du fiqh. Dans quel cas? Le cas où vous êtes blessé par exemple, dans un endroit où c'est pas comme ici, il n'y a pas les urgences. Ça c'est dans l'Udda, Sharh al-Umda, à la page 49, صفحة 49, طبعت الكتب المكتبة العصرية. الشرط الثاني, la deuxième condition. الوقت. فلا يتمموا لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. On va voir que la condition qu'on va citer maintenant, c'est pas le plus juste. Même au sein du madhhab, il y a divergence cette condition. Ibn Qudama a dit que la deuxième condition, c'est l'heure de la salat. C'est-à-dire, ils disent qu'on ne peut pas faire le tayammum avant l'heure de la salat. Ouais. Il faut attendre que l'heure de la salat rentre pour faire le tayammum. Avant, on ne peut pas. C'est une des versions de l'imam Ahmed, mais la réalité, c'est qu'on peut. On peut faire le tayammum même un peu avant l'heure de la salat. Comme l'a dit Ibn Muflih, rahimahullah, dans le Mubdi' Sharh al-Muqni', il dit, « وعنه, يعني عن الإمام أحمد, يجوز قبل الوقت. قال القاضي, القياس, يعني أبو يعلى, القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث, فعلى هذا يجوز قبله كالماء, ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم, الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. رواه البخاري تعليقا. ولأنه بدل فيتساوى بمبدله إلا ما خرج بالدليل. إدي بن مفلح et de l'imam Ahmad, il a rapporté une version, et inshallah c'est la plus juste, c'est la vie d'Ibn Taymiyyah, et d'Ibn Muflih, visiblement, qui est un descendant de l'école hanbalite, le fils d'un savant qui s'appelle Ibn Muflih. Il dit, il est permis de faire le tayammum avant l'heure de la salat. Et Al-Qadi Abu Ya'la, parmi les savants hanbalis, il a dit, le qiyas, c'est que le tayammum est comme le wudu. Le wudu, tu peux le faire avant la salat ou pas? Tu peux le faire avant la salat. Il n'est pas une obligation d'attendre l'entrée de l'heure de la salat, sauf dans deux cas. On va le voir. Al-Nifas, la femme qui allait. Métrorragie, c'est-à-dire qu'il y a le sang qui coule tout le temps de ses parties, ou la personne qui a un salasalbaum, la personne qui a une maladie, qui a par exemple une incontinence urinaire, une incontinence du reste aussi de l'Almadi, etc., etc. Celui-là, il attend l'entrée de l'heure de la salat, il fait le wudu, il met par exemple un mouchoir ou quelque chose comme ça, Et après, même si ça coule, ça n'amène pas son eau. Continuer à faire la salat. Mais là, dans le cas du tayammum, il peut le faire avant l'heure de la salat. Comme ils disent, c'est comme le wudu. Hein? Jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau ou qu'il perde ses ablutions. Et cela est l'avis, je fais un résumé, wahtalahu Sheikh Taqi al-Din, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ça, c'est rapporté dans le Mubdi', Sharh al-Muqni'. Le volume 1, le volume 1, la page 306. 206, pardon. الثالث la troisième condition du tayammum an-niyyatu قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا قال الشارح لأن التيمم لا يرفع الحدث ولا يباح الفرض حتى ينويه قولي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات رواه مسلم. L'intention, il faut avoir l'intention. C'est une des conditions de quoi? Du tayammum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la personne, il a l'intention de faire le tayammum pour une salat nafila, surérogatoire, il ne peut pas prier une salat obligatoire. D'accord? Il faut qu'il fasse l'intention pour une prière obligatoire. Vous êtes avec moi? Tout ça, c'est basé sur la compréhension du hadith. إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent que par les intentions. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء كما قال الشيخ Bahadine Abdurrahman al-Maqdisi, rahimahullah, fil udda, shah al-umda. Donc, si la personne, comme c'est venu dans l'explication de l'umda, à la page 50, si la personne, il a l'intention, il fait le tayammum pour une prière surrogatoire, il ne peut pas prier d'obligatoire. Par contre, s'il fait le tayammum pour une prière obligatoire, il peut prier ce qu'il veut, comme prière obligatoire et surrogatoire. Vous avez compris? C'est l'importance de la niya dans le tayammum. Si la personne, il fait le tayammum pour une prière surrogatoire, il ne peut pas prier de prière obligatoire. Si la personne y fait le tayammum pour une prière obligatoire, il peut prier obligatoire et surérogatoire. Et ça, sur cette question-là, il n'y a pas ijma. Hein. الشرط الرابع la quatrième condition la dernière التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار la quatrième condition la terre on ne peut faire le tayammum qu'avec de la terre pure qui dégage une poussière car Allah il a dit فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا Faites le tayammum avec une terre pure. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف الصعيد c'est la terre. الطيب الطاهر c'est la parole des ulama. La question qui se pose ici. Ici, l'avis de, dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ce qui est connu, etc., etc. Alors, ça fait pas l'unanimité, même à l'intérieur du madhab de l'imam Ahmed, c'est qu'on ne peut faire le tayammum qu'avec de la terre qui dégage de la poussière. Turabun, lahu, robar. Lahu, robar. Ça, c'est l'avis du madhab de l'imam Ahmed. Contrairement à Al-Malikiya, c'est pour ça que c'est un avis qui est connu à notre époque, ici, dans ces endroits-là, que dans les mosquées on trouve des pierres, etc., etc. Pourquoi? Parce que les Malikiya considèrent que As-Sa'id, qui est cité dans le Coran, la terre, c'est kullu ma tasa'ad ala wajh al-ard, tout ce qui est sur la surface de la terre. Sur la surface de la terre. Ça implique, Al-Raml, Wal-Hasa, Wahashish, Wahshajar, etc., etc. C'est-à-dire, la pierre, les arbres, que sais-je, l'herbe, etc., etc. D'accord? Ta vie, il est fort. Ta vie, il est fort. Et c'est la vie, comme on a dit de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et c'est un des avis rapportés de l'imam Ahmed, qui a été choisi par Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, qui a été choisi par Al-Mardawi dans l'Insaf, fi ma'rifat al-rajih min al-khilaf, fi madhhab l'imam Ahmed, comme c'est cité dans Tawdih al-Ahkam, Sharh Bulugh al-Maram, volume 1, la page 310. C'est une question de divergence. La personne, s'il a de la terre, le mieux c'est de faire avec de la terre. D'accord? Et si la personne tombe malade, qu'il est chez lui, il demande à quelqu'un qui va dehors, qui prend de la terre, il la met dans une petite boîte, dans une bassine. D'accord? Cette bassine, quelle est la taille de faire rentrer les deux mains, et de taper dedans, et de faire le tayammum. C'est le mieux. Al-ahwat wa hada. C'est d'utiliser la terre qui a un roubar, une poussière. Ça se fait par exemple dans les hôpitaux fi Jazirat al-Arab, particulièrement à Médine. J'ai personnellement vu cela. Ils ont des boîtes, chaque malade a une boîte avec de la terre dedans pour pouvoir faire le tayammum. Et dans cette boîte, il y a un petit résumé, un autocollant qui résume les règles du tayammum. Allahu a'lam. Ensuite, il dit Ibn Khudama, rahimahullah ta'ala, وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمَ وَيَبْطُلُ الطَّهَارَةَ الْمَا قَالَ الشَّارِحْ لَنَّهُ بَدَلٌ عَنَا. Et le tayammum est annulé, premièrement, par tout ce qui annule el wudu. Tout ce qui annule le wudu annule le tayammum. Ensuite, il dit وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ. Et le tayammum, et le tayammum est annulé par la sortie de l'heure de la salat. C'est-à-dire, chez le Hanabiyya, on va voir que c'est la vie de certains sahaba. Le tayammum que tu as fait pour le dhuhr, même si tu l'as fait un peu avant, on l'a vu, lorsque l'asr rentre, il est annulé. Il te faut le refaire. Qal ibn Muflih, rahimahullah, ويبطل التيمم بخروج الوقت وهو قول علي وابن عمر لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة وظاهره ولو كان في الصلاة وصرح به في المغني وهذا في المبدع شرح المقنع في المجلد الأول صفحة 25 و200 وهو في المغني في المجلد الأول صفحة 40 و30 ابن مفلح يقول le tayammum est annulé par la sortie de l'heure de la salat. Et cela est l'avis de Ali et d'Ibn Omar. On a vu que dans les bases du fiqh, et c'est le plan qu'on a cité au début, Qur'an, sunna, ijma', fatawa sahaba. Et là, on a un avis des sahaba, fanatamassakoubi, on s'y accroche. Et je ne connais pas de divergence sur cette question-là entre les sahaba. Il y en a peut-être, hein, je le dis, hein, vraiment, je ne connais pas d'autres avis, donc je m'arrête à cela. C'est l'avis de Ali ibn Omar, car c'est une tahara d'arora, c'est une purification de nécessité, le tayammum. C'est un cas de nécessité. Elle est donc attachée à l'heure, comme elle mustahara, on l'a dit, comme c'est elle qui a ses métrorragies. Wadahiruhu, et le sens apparent de cette parole, c'est que la personne, son tayammum s'annule, même s'il est dans la salat. La personne, il est en train de prier. Al-Nawafil. L'heure de l'Asr rentre. Sa salat est batila. Parce que son tayammum a été annulé. Comme s'il avait perdu le wudu. Voyez? Et ça, c'est l'avis de Ibn Qudama dans le Mourni. Donc, le tayammum, il est annulé par deux choses. La première. Tout ce qui annule le wudu. Ou tout ce qui rend obligatoire le ghusl aussi. Puisqu'on l'a vu, le tayammum, il remplace à la fois le wudu, mais il remplace aussi le ghusl, comme dans l'histoire de Ammar, radiallahu anhu. Le deuxième, la sortie de l'heure, de la salat. C'est-à-dire, en fait, l'entrée de la salat suivante. Voyez? Troisième, c'est la capacité d'utiliser de l'eau, même s'il est dans la salat. Vous avez compris ce que ça veut dire? La personne, il est dans la salat. Hein? Il est dans la salat. il avait pas d'eau, il a fait son tayammum, il est en train de faire sa salat. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec de l'eau. Sa salat, elle est bâtée là, dans l'instant. Paf! Il sort de la salat et il doit faire le wudu. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, At-turabu kafik, ma lam tajidil ma, fa in wajadta al-ma'a, fa amsik jaldak. Et dans le hadith, dans l'autre hadith, qu'on a cité déjà, on a cité précédemment, Sa'id al-Tayyib al-Tahour al-Muslim, wa in lam yajidil ma'a 10 sinin. Pardon, non, c'est dans le hadith que je viens de citer, le hadith rapporté par Abu Daoud, comme quoi, la terre te suffit, si tu ne trouves pas d'eau. Mais si tu trouves de l'eau, lave-toi, c'est-à-dire, littéralement, c'est-à-dire, fais-le toucher, fais-y toucher ta peau, fais toucher ta peau par l'eau. C'est-à-dire, utilise l'eau, quoi. D'accord? Khalid ibn Qudama, fil Mughni, وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاة أو خارج منها، فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان طهارته ويلزمه استعمال الماء فيتوضأ وإن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا في المغني المجلد الأول. ابن قدامة المغني ce que nous venons de dire c'est que la personne s'il était en état d'impureté majeure et qu'il est en train de faire la salat, il trouve de l'eau, quelqu'un arrive avec de l'eau, ou je ne sais pas quoi, ou l'eau qui s'était arrêtée de, par exemple, de couler, qui avait été interrompue, comme c'est dans certains pays, l'eau était coupée, elle reprend, la personne, il coupe sa salat et il va faire son wudu. Hein? Il coupe sa salat et il va faire le wudu, s'il était une obligation pour lui de faire le wudu. D'accord? وبهذا انتهينا من كتاب التيمم في عمدة الفقه. ici عمدة الفقه c'est fini au niveau des règles du tayammum. On rajoute juste quelques questions qui sont très importantes qu'on est allé chercher dans d'autres livres qui sont très importantes qui peuvent arriver. مسألة قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة هل لا إعادة عليه وإن وجده في الوقت لم يلزمه أيضا إعادة سواء يأس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه وهذا في نقله ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 14 و300 لعلماء sont unanimes ابن المنذر toujours أبو بكر ابن المنذر il rapporte. Les ulama sont unanimes, les gens de science sont unanimes, ajma'a ahlul ilm, que celui qui fait le tayammum et qui prie, et qui ensuite trouve de l'eau, après que l'heure de la salat soit sortie, il ne refait pas sa salat. D'accord? Ça c'est la première partie. Il y a ijma'a cette question. C'est un dalil mustaqim. Il trouve de l'eau, il a fait le dhahr avec le tayammum. Ensuite, l'asr est rentré, on lui ramène de l'eau. Il a fait sa salat? Non. Deuxième cas. Wa in wajadahu fil waqt. S'il le trouve dans l'eau, dans le temps. Il trouve de l'eau dans le temps. C'est-à-dire, il vient de faire salat dhuhr. Salat al-asr, il n'est pas rentré encore. On lui ramène de l'eau. Mais il a fini sa salat. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne refait pas sa salat non plus. C'est différent du cas qu'on a cité avant. Là, l'eau, on te l'a amené pendant que tu faisais la salat. Alors que là, on te l'a amené après que tu aies fini la salat. Donc là, tu refais pas ta salat. Tu l'as fait avec tayammum. Salatuka tamma. Elle est bonne ta salat. Qu'il ait désespéré avant cela de trouver de l'eau dans son temps, ou qu'il ait pensé qu'il le trouverait de l'eau dans son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, lors du dhuhr, il rentre. Et il se dit, peut-être dans une heure, je vais trouver de l'eau. C'est possible, c'est très possible que dans une heure, il y ait de l'eau. Il n'entend pas. Il fait le tayammum et il fait la salat au début de son heure. Et si jamais l'eau arrive, 10 minutes après, un quart d'heure après, 30 minutes après, bah, haraj. Là, ya'adata alayh, il ne refait pas sa salat. Ça, c'est rapporté de Munzir. Et celui qui l'a rapporté, c'est Ibn Qudama al-Mughni. La question suivante, et on finit sur cela, mas'ala. Une mas'ala muhimma. سئل ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل جنوب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا؟ فأجاب رحمه الله إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين أظهرهما أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولم يأمر العبد بالصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة والله أعلم في مجموع الفتاوى المجلد 21 إيدي ابن تيمية رحمه الله ولي أفوزين كسيون ولي un homme, c'est une fatwa, un homme est en état d'impureté majeure, junoub. Il est dans une maison. Il n'a pas de terre. La porte est fermée. Il ne peut pas sortir non plus, emprisonné quoi. Et il ne sait pas quand il pourra sortir. Est-ce qu'il délaisse la salat jusqu'à ce qu'on lui amène de l'eau ou de la terre? Ibn Taymiyyah, il a répondu. S'il ne peut pas utiliser de l'eau. Et il ne peut pas non plus toucher la terre. Il prie sans eau, ni sans faire le tayammum. Et ça, la majorité des ulama. Ça veut dire quoi? Qu'on ne délaisse pas la salat. En aucun cas. En aucun cas. Il dit, et ça, c'est l'avis le plus juste. Et est-ce qu'il doit refaire sa salat après, c'est-à-dire lorsqu'il trouve de l'eau, ou de la terre? Il dit, l'avis le plus juste, c'est qu'il ne doit pas refaire sa salat. Car Allah, il a dit, subhanah, fattakullaha mastata'atum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le Bukhari, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. ما استطعتم. Et Allah n'a pas ordonné aux serviteurs de prier deux fois la même salat. D'accord? Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 21, la page 467. Vous avez compris cette question-là? Cette question-là, à notre époque, c'est quoi? Une personne, عادكم الله وعيدكم بالله من ذلك. Une personne est en garde à vue. L'heure de la salat rentre. La personne, il est enchaîné au mur. On ne lui laisse pas aller faire l'eau d'eau. Et il ne peut pas faire le tayammum shar'i puisqu'il est quoi? Il est enchaîné au mur. Il n'y a pas de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa salat. Sans eau d'eau. Par geste. En tout cas, il ne délaisse pas sa salat. Et il respecte l'heure. Vous avez compris? Ça, cette fatwa d'Ibn Taymiyyah, c'est aussi la fatwa du Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, fi Durar al-Saniya, al-Mujallad al-Rabi'a, safha 77-100. C'est aussi la fatwa du Cheikh Abdallah, le fils du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans Durar al-Saniya, le volume 4, la page 177. قال ibn Hazm. ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصلي كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت وبرهان ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم في المحلى المجلد الأول صفحة 32 و300 ابن حزم يجيد على نفس celui qui est emprisonné, qu'il soit en état de résident ou en état de voyage, qui ne trouve ni eau, ni terre, ou qui est crucifié, enchaîné, comme ça, qui est enchaîné, et que l'heure de la salat vient, qu'il prie dans l'état qu'il est, et sa salat est à main, sa salat est bonne, est complète, sa salat est complète, qu'il trouve de l'eau dans l'heure ou qu'il ne trouve qu'après l'heure, d'accord? Il ne retarde pas sa salat, c'est-à-dire salat comme il est. Et la preuve de cela, Burhan, et les versets qu'a cité Ibn Taymiyyah, craignez Allah, ce qui signifie craignez Allah autant que vous le pouvez. Ça, c'est dans le Muhalla. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, ajma'in.